no mon fiki bello to oni la netala. Ou kabwele pour poiler sans se payer l'assurance. Pour louer garage, réparation, tout ça qu'a coûté cher. Pour doubler ton virage flap, trapper contravention. Avant ma fifine, anti-fifine, dauphine, ma déesse, mon belle déesse, 19, ma poline, anti-pain au jaguar. Ma tuture, moi qu'à brosser, moi qu'à stiquer. Mwen ka karese, a mwen mey matete yo. Mwen ka bichone, kakle e konsou nef. Dude.